Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Comment devient-on féministe ? C'est un long cheminement intellectuel avec des enquêtes sur la condition ouvrière en France au 19e siècle et des ouvriers en grève. C'est la délinquance et le système pénitentiaire et l'impossible prison. C'est aussi l'histoire des femmes en Occident. Ces femmes et leurs images, leur silence, leurs ombres dans l'histoire. Ce sont des histoires de chambre et une mélancolie ouvrière. C'est Lucie Beau et George Sand. Sur le chemin des femmes, voici le temps des féminismes. Arrêtez-vous, écoutez-moi! Si nous entrons, ça veut dire que nous acceptons les nouvelles conditions qu'ils tentent de nous imposer. D'où tu sors ça? Je le sais. Il y a des choses que l'on sait sans les avoir apprises. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux qu'on se plante là et qu'on n'en bouge pas tant qu'on n'aura pas satisfaction. Si nous nous soumettons au patron, ça veut dire que nous renonçons à tout ce que nous sommes. Des ouvrières, des femmes, des mères de famille, des citoyennes. C'est l'enfer qui nous attend. Il faut que ça change, que tout change. Celles qui sont pour la grève, lèvent la main. Ah, bonjour Michel Perrault, vous avez levé la main. Bonjour. C'est un extrait du film de Gérard Mordillat, Mélancolie ouvrière en 2017. D'après votre livre, nous entendons dans cet extrait ce lien qu'il y a entre l'histoire des femmes et l'histoire ouvrière. Vous pensez qu'elles sont intimement liées, ces histoires ? Pas nécessairement, non, pas toujours. Ça peut être tout à fait distinct. Mais étant donné que j'avais travaillé sur le monde ouvrier, c'était pour moi intéressant de croiser les deux, hein, de faire de l'intersectionnalité, si l'on peut dire, c'est-à-dire de croiser les choses. Et puis, on m'avait demandé de faire une histoire d'une femme inconnue. Et Lucie Beau, je l'avais rencontrée dans mes recherches. Elle avait écrit un texte qui est très rare pour une ouvrière, très très rare. Et donc, j'ai proposé Lucie Beau. J'ai fait des recherches complémentaires par rapport, évidemment, aux peu de choses que j'avais avant. Et ce livre a beaucoup plu à Gérard Mordillat. Il en a fait un beau film et c'était évidemment un grand plaisir que de voir ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir de découper l'histoire en tranches, en périodes. Il y a ce plaisir aussi de donner des étiquettes aux grandes démarches historiques. Il y a de l'histoire sociale, de l'histoire politique, histoire des femmes. Mais en fait, tout est mêlé. Il n'y a pas d'histoire des femmes. Les femmes sont partout dans l'histoire, donc tout est histoire des femmes aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant, et c'est ce que nous voulions faire, les historiennes, quand on a commencé, c'était pas de faire un ghetto d'histoire des femmes pour les femmes, hein. C'était d'essayer de changer le regard de l'histoire qui n'avait pas pris beaucoup en compte, enfin un peu quand même, hein, le rôle des femmes dans l'histoire, mais surtout des femmes exceptionnelles, les reines, les saintes, bien sûr, les courtisanes, c'était un peu les trois grandes catégories. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était l'ensemble des femmes et surtout les rapports masculins-féminins. Parce que au fond, c'est ça qui est important. Hein. On fait l'histoire d'une guerre. Bon, bah, la guerre 14-18, François Thébault, beaucoup d'autres. Qu'est-ce que font les hommes? Ils sont au front et les femmes à l'arrière. Que font-elles? Et quel résultat est-ce que ce changement de place et de rôle des sexes va changer après-guerre, par exemple? Voilà un problème intéressant. Il y a raconté cette histoire, l'étudier, et puis en fait qu'il l'écrit, parce que vous avez raison de souligner, Michel Perrault, qu'il y a des biographies de saintes, de personnages, souvent écrites par des hommes. Oui, alors il y a eu des précurseuses. Par exemple, je pense, sans remonter très loin, à quelqu'un comme Edith Thomas. Edith Thomas était une chartiste qui vivait dans les années 1930-60, voilà, à peu près 70 même, et elle a introduit l'histoire des femmes. Par exemple, elle a fait une George Sand, les femmes en 48, les femmes dans la commune. C'était surtout ça qui l'intéressait. Et elle a fait un travail formidable, un peu oublié. Mais il y a eu une Américaine tout de même qui a fait une biographie sur elle. Voilà un exemple. Mais ce que nous avons voulu faire, nous, c'était quelque chose de plus collectif, si vous voulez. On voulait que dans les universités, il y ait des cours sur l'histoire des femmes, enfin qu'on en parle plus couramment. Et puis, il faut rappeler ce cheminement, parce que comment devient-on féministe? Comment en arrive-t-on à s'intéresser à l'histoire des femmes? C'est aussi l'observation de la société. L'historienne n'est jamais coupée, évidemment, de la société dans laquelle elle évolue. Et il faut rappeler, je pense que même pour les plus jeunes, ça peut paraître surprenant, mais pour tant d'autres, c'est une évidence. À l'école, les filles et les garçons séparés. Enfin, c'est aussi une lecture tout autre de la société. Oui, vous avez tout à fait raison. Pendant très longtemps, le monde français et le monde scolaire, notamment, n'étaient pas mixtes. Hein. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Bon, depuis les années 1960 et après, c'est devenu mixte. Mais le public et les enseignements, c'est pas la même chose. Et dans les enseignements, oui, on parlait pas tellement des femmes, hein, ça, franchement, il faut le dire. Donc, peut-être même qu'on n'en parle pas tellement aujourd'hui, il faut pas non plus exagérer. Hein, ça. On n'en parle pas assez. Bon, voilà. Mais c'est ce que nous avons voulu faire en développant l'histoire des femmes. Quand vous étudiez au cours Bossuet, nous sommes à Paris, vous êtes une toute jeune élève, c'est ici absolument non mixte, bien sûr, c'est religieux. Est-ce qu'il y a une place laissée à un enseignement qui permet de réfléchir à la place des femmes? Je sais qu'on est très très tôt, tout ça n'existe pas encore en fait. Il n'y a même pas la possibilité de saisir une amorce de réflexion dans cet enseignement-là. Absolument, on n'en parlait pas du tout. Il y avait des modèles quand même dans l'enseignement religieux. Et les modèles, c'était les saintes. On nous disait des choses sur les saintes et les saints pour nous exalter à la sainteté. Bon, on en prenait et on en laissait, bien entendu. Mais non, il n'y avait pas ça. Ça ne veut pas dire que cet enseignement était dénué d'intérêt. Par exemple, dans ce cours Bossuet où j'ai fait mes études, toutes mes études à Paris, rue de Chabrol, il y avait des professeurs de l'Institut catholique. Et à la limite, ils étaient plus intéressants que les religieuses l'étaient modérément. Et c'est ainsi que j'ai découvert la Bible. Hein. Et il y avait à ce moment-là une découverte des manuscrits de la Mer Morte. Et c'était passionnant. D'une certaine manière, peut-être que un de mes goûts pour l'histoire est venu des manuscrits de la Mer Morte. Parce que il y avait notamment un professeur, un prêtre, qui était à l'Institut catholique, était très calé là-dessus, et on découvrait, comment se fait l'histoire avec des vestiges qu'on n'imaginait pas, et comment une langue, il faut traduire, comment ça se diffuse. C'était une belle leçon d'histoire quand même. Oui, on voit vos yeux qui pétillent encore, il y a de ça dans l'histoire, c'est cette découverte qui nous fascine sans arrêt, parce que la question se pose toujours. Pourquoi le choix de l'histoire? Michel Perrault, on dit historienne, c'est une évidence. Et non, c'est jamais évident, rien n'est évident. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire des études d'histoire dans un contexte où c'est pas évident, en étant femme, de faire le choix de l'histoire? De mauvaises et de bonnes raisons. Les mauvaises, si l'on peut dire, c'est que j'aurais volontiers fait ma médecine. Mon père m'y poussait beaucoup, mais quand j'en ai parlé à mon professeur, qui avait des étudiantes au cours Bossuet, il y a eu Benoît de Groot, par exemple, bon, en lui en parlant, elle m'a dit « Michel, vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas assez bonne en mathématiques ». Hein. Il y avait donc des faiblesses dans l'enseignement que nous recevions, qui n'étaient pas très scientifiques. C'est pas étonnant. On considérait que c'était pas l'affaire des filles. C'était probablement pas comme ça au lycée. Mais dans un cours religieux, il y avait une accentuation du côté féminin, en quelque sorte. Donc, j'ai été un petit peu rabrouée. Hein. Alors à ce moment-là, j'ai réfléchi un petit peu et la littérature m'intéressait et m'attirait beaucoup, mais il y avait une espèce de sérieux tout de même dans ces choix de l'après-guerre, c'est juste après-guerre, et je me suis dit la littérature, oh, c'est futile. C'est ridicule, je le dis, hein. Aujourd'hui c'est ridicule. Mais j'ai pensé ça. Et l'histoire, ça allait me permettre, je le pensais, de comprendre ce que nous avions vécu. C'est-à-dire, cette guerre que j'avais, qui avait été mon la fin de mon enfance et l'adolescence, qui avait été pour moi un grand tourment, même si ma famille a été privilégiée, on n'a rien eu de particulier, mais quand même, ça avait été un énorme problème. La chape de plomb sur nos épaules avait pesé très très lourd, et comprendre ça, c'était important. Donc, oui, l'histoire m'intéressait, et probablement, peut-être plus l'histoire contemporaine. Voilà, je voyais l'histoire comme un moyen, obscurément. Mais oui, ça a été ce choix-là. Vous voyez, les mauvaises et les bonnes raisons. Au moment de l'orientation, effectivement, il y a toujours l'importance de l'environnement scolaire, mais aussi l'environnement familial. Là, je pourrais vous poser les mêmes questions. Quelle est la place des femmes dans votre famille? Est-ce que c'est une famille avec de fortes personnalités féminines? Oh, ma mère avait une très forte personnalité. Elle avait été un petit peu refoulée, si l'on peut dire, comme femme, parce que... orpheline à 15 ans, sa maman était morte, elle avait dû prendre en charge le foyer. Hein. Son père, ingénieur de la ville de Paris, ses deux frères, dont l'un était polytechnicien, en voie vers Polytechnique, mais l'autre était absolument insupportable, et il fallait qu'elle s'en occupe. Donc elle a été très tôt mère de famille. Et puis, elle a rencontré mon père, qui venait de faire la guerre 14-18, donc les guerres sont très présentes. Hein. Elle a aidé mon père dans son commerce en cuir. Et au fond, elle aurait aimé faire une carrière dans le dessin. Elle était très très bonne. Elle voulait faire ça. Elle n'a pas pu le faire. Et du coup, elle me soutenait beaucoup pour faire des études. Mais elle n'était pas seule. Parce que mon père avait une très forte personnalité. C'était un homme extrêmement ouvert. On pourrait dire qu'il était féministe avant la lettre, sans le mot, qui l'aurait probablement agacé, sans doute. Mais pour lui, j'étais sa fille unique, il n'y avait pas de différence. Un garçon, une fille, pour lui, c'était la même chose. Et par conséquent, qu'est-ce que tu veux faire? Fais ce que tu veux. Et il y avait toujours cette idée-là. Et l'idée que il faut pas se marier trop tôt, que tout ça c'est bien embêtant pour une fille, continuer les études, faire ce que je veux, voilà. C'est un petit peu la raison pour laquelle je n'ai pas été une féministe précoce. C'est que je n'ai pas eu d'obstacle particulier, voyez. J'ai été soutenue, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce qu'il faut bien dire que dans cette génération d'après-guerre, le taux d'activité des femmes augmente certes, mais modérément. Modérément, pourquoi? Parce que il faut repeupler la France, comme toujours après les guerres. Il faut que les familles aient beaucoup d'enfants, c'est le baby-boom. Et le modèle, c'est un couple, le mariage d'amour. Le mariage d'amour, c'est vraiment l'idéal des jeunes couples de cette époque-là. Et puis des enfants, voilà. Donc, la femme au foyer, dans les milieux bourgeois, moyens bourgeois dans lesquels j'étais, bah, c'était quand même le modèle dominant. Et les camarades de classe que j'avais, les compagnes, on disait pas les camarades, hein, les compagnes que j'avais au cours, bah, elles ne pensaient qu'à une chose, trouver un homme qu'elles aimeraient, car elles voulaient un mariage d'amour, et puis s'occuper de leur foyer, de leurs enfants, c'était ça. Et moi, c'était pas ça. C'était pas ça, parce que j'étais un peu rebelle, et aussi parce que ma famille ne me poussait pas du tout à ça. Et puis dans ses compagnons, alors compagnes d'enfance, on disait pas camarades, on comprend très bien dans l'après-guerre la signification lourde de ce mot. Il y avait Benoît de Groot, vous l'avez évoqué, journaliste, romancière. Dans ce moment de Paris, de cette après-guerre, c'est des rencontres féministes. Sans être féministe, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui nous accolons ce mot parce que il est très pratique, il permet de saisir un engagement. Le mot n'existait pas alors, il n'était pas utilisé. Même Simone de Beauvoir, 1949, le deuxième sexe. Hein. Et pour moi, ça a été très important. C'était une lecture vraiment essentielle, en morceaux. Bon, Simone de Beauvoir dit « Je ne suis pas féministe ». Hein. C'est tout à fait surprenant pour celle qu'on peut considérer comme la mère du genre, comme nous disons aujourd'hui. Hein. Mais le mot genre, elle ne l'emploie pas. Autrement dit, il y a des changements, des choses qui ne sont pas encore entérinées, emmagasinées par des mots. Bien entendu, le mot féminisme existe depuis longtemps. C'est une création d'Alexandre Dumas fils dans les années 1872, donc on est bien avant. Et Alexandre Dumas fils avait employé ce mot pour désigner la maladie des hommes efféminés. Ah oui, donc c'est pas du tout ça, le mot est là. Maintenant, il faut lui donner un sens. Ce moment particulier de l'après-Seconde Guerre mondiale, 1949, Simone de Beauvoir. Ce gros livre, combien a-t-il de pages ? Je crois que le premier a à peu près 400 et le second quelque chose comme 600 pages. Bon, par conséquent, nous obtenons un total de plus de 1000 pages. Je voudrais vous demander si c'est le résultat d'une pensée concentrée sur ce sujet depuis des années et si de tout temps vous avez désiré écrire sur cette question. Non, au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Ah, beaucoup de sottises identifiées par Simone de Beauvoir en 1949 dans l'actualité du livre, à propos de son ouvrage Le Deuxième Sexe. Michel Perrault, subordonnée à des problèmes sociaux, dit Simone de Beauvoir. Cette histoire du féminisme s'inscrit à le sentiment d'une domination de plusieurs types, sociale, d'accord, politique. Parce que quand on évoque cette histoire des mouvements féministes, il y a cette veine politique, au moins pour obtenir le droit de vote. C'est déjà une voie ici. Oui, absolument. C'est très intéressant d'entendre Simone de Beauvoir, parce que elle dit à peu près ça, que les femmes, c'était pas sa priorité, c'était le social, etc., etc. Oui, alors, les droits, le droit de vote, en 45, ça y est, hein, c'est là, en 44, le droit de vote est donné. En 45, les femmes l'exercent pour la première fois. Ma mère a voté. Et pour la première fois, elle en était extrêmement fière. Et elle a jamais manqué une élection. Elle disait, ce droit, on l'a, il faut l'exercer. Hein. Et mon père était un peu anard. Lui, il votait pas trop. Hein. Mais ma mère, oui, oui. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il y avait évidemment beaucoup d'autres droits à acquérir. Et la question de l'inégalité était tout de même flagrante. Et le deuxième sexe, Simone de Beauvoir y travaille à partir de 46, et c'est donc intéressant de voir que c'est après la guerre. Hein. Elle se rend compte tout de même, bien sûr, de la différence, de l'inégalité, et elle se met à travailler, mais à faire un travail énorme. Alors là, la Bibliothèque nationale Salle Richelieu, elle y va beaucoup, elle y passe des heures, elle fait beaucoup de fiches, elle regarde tout ça et elle essaie de mettre ça en perspective dans l'histoire, hein, dans le temps long. Hein. C'est ça qui est intéressant chez elle. Et aussi de regarder la situation des femmes de son temps. Que font-elles qu'est-ce que c'est que la maternité? Il y a tout un chapitre sur la maternité, parce que la maternité était le devoir des femmes, le destin des femmes, l'accomplissement de la féminité. Et c'est quelque chose qui révoltait Simone de Beauvoir. Comme chacun sait, Simone de Beauvoir, volontairement, n'a pas voulu avoir d'enfant, mais parce que ça lui paraissait incompatible avec un métier et une activité, surtout. Elle a été professeure, puis ensuite elle est devenue uniquement une écrivaine. C'était pas possible de faire les deux pour elle. Hein. Ensuite, on a concilié les deux. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, souvent, cherchent à concilier les deux. Pour Simone de Beauvoir, il y avait quand même un choix à ce moment-là. Hein. Être mère ou être créatrice, c'était pas pareil. Et la maternité, c'était tellement la ménagère, tout ça, c'était tellement difficile que quand Sartre lui a proposé « Voulez-vous un enfant ?», elle a dit non. Non. Et au fond, Sartre a dit que ça lui convenait très bien, qu'il ne voyait pas tellement reproduire des petits Sartres. Ça ne l'intéressait pas tellement. Michel Perrault, vous venez de dire qu'au moment de la parution du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous l'avez lu, mais pas lu comme une révolution. J'ai l'impression que ça n'a pas été un livre lu d'un coup comme une révolution et l'existence de Michel Perrault s'en est trouvée transformée. C'est pas exactement ça. Non, mais il faut dire quand même que beaucoup de femmes de ma génération ont lu Simone de Beauvoir et l'ont lu et surtout peut-être elle-même. Voyez, ce qui nous séduisait, je pense à aussi bien Mona Ozouf que Nicole Ledouarin, qui étaient mes amis, aux collègues et amis au lycée de jeunes filles de Caen, où j'ai fait mes débuts, dans les années, milieu des années 50, nous admirions beaucoup. Nous trouvions qu'elle avait une vie indépendante, elle conduisait sa voiture, elle faisait des voyages, elle a eu cette idée formidable, les amours essentiels, l'amour essentiel, les amours contingentes. C'est-à-dire, un homme auquel on est profondément attaché, pour elle, ça a été Sartre toute sa vie, absolument, toute sa vie. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir d'autres hommes, des amours contingentes, ce qui s'est passé absolument pour elle. Donc, c'était un modèle de femme libre, créatrice, qui ose publier, parce que écrire une femme le peut, mais publier c'est quand même difficile, enfin, ça a toujours existé au 19e, bien sûr. Et elle a eu le prix Goncourt pour Les Mandarins, qui est un magnifique roman, qui décrit tout à fait le milieu des jeunes intellectuels de l'après-guerre, que l'on peut aujourd'hui utiliser comme un véritable témoignage. À ce moment-là, au moment de la parution en 1949 de cet ouvrage, vous, Michel Perrault, faites vos études, vous êtes à la Sorbonne. À ce moment-là. Oui. C'est quoi cet univers à la Sorbonne, au sens où quelle place est laissée aux femmes dans une grande université ? Les femmes étaient encore minoritaires à cette époque-là. Il faut pas oublier que c'est pas si vieux que ça. C'est 1924, la loi de 24, 1924, qui a fait que le baccalauréat des garçons et des filles était le même. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait quand même des étudiantes, faut pas exagérer. Mais c'était toujours sur dérogation. À partir de 24, les filles passent le même bac. D'ailleurs, Simone de Beauvoir naît de cette loi, d'une certaine manière, ainsi que d'autres. Évidemment, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà près d'un tiers de filles. Donc, les changements existaient. Après la guerre, ce pourcentage augmente, mais on n'est pas encore à la parité, du tout. Et moi, je voyais beaucoup plus de garçons que de filles dans les amphis, du point de vue de l'histoire. Mais l'ambiance était très égalitaire. Ça, je dois dire que j'ai pas ressenti d'inégalité. Les garçons, les filles qui étaient là étaient plutôt évolués. Par ailleurs, on pouvait choisir. S'il y avait des garçons qui étaient... Bon, on n'allait pas les voir. Et on fréquentait plutôt ceux qui vous traitaient d'égal à égal. Il y avait deux catégories de garçons intéressants. C'était les catholiques d'un côté. Alors, moi, je venais d'un milieu catholique, je les ai donc fréquentés. Et les jeunes communistes, qui sont par la suite devenus mes amis principaux. Je pense à Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Jean-Nicolas, Jacques Ozouf, pour ne citer Bélian, enfin bref, je pourrais allonger la liste. C'était très intéressant parce que il y avait des discussions passionnées entre les uns et les autres. Chez les chrétiens, chez les catholiques, il y avait aussi un très fort courant progressiste. Le progressisme chrétien était extrêmement vivant à cette époque-là. On est une génération tourmentée. Tourmentée à la fois heureuse parce que c'est l'après-guerre. Et on a une France pauvre. Oh mon Dieu, comme elle était pauvre, la France de cette époque. Mais la perspective de la reconstruction, des progrès, on les voyait, ces progrès, de jour en jour. Il y avait encore des tickets. Quand je faisais mes études, quand on allait au restaurant universitaire, fallait encore donner des tickets. Et puis, on voit les tickets disparaître. On voit le métro, je peux pas vous dire ce que c'était que le métro dans ces années-là. Moi, je le prenais beaucoup parce que j'arrivais de Montmorency, qui est la banlieue nord, et il fallait donc que je prenne le métro à la gare du Nord pour aller à Saint-Michel. Et c'était des métros bourrés, mais bourrés, comme vous pouvez pas vous imaginer aujourd'hui. C'est rien par rapport à ça. C'est peu dire. je pourrais multiplier les exemples. Mais on voyait les choses changer. Voilà. Et on les voyait changer de manière positive. C'est ça qui était tout à fait intéressant. Et d'autre part, il y avait une industrialisation de la France qui est un peu le contraire de ce qui existe aujourd'hui, avec l'idée que la classe ouvrière, c'était fondamental. Les conflits ouvriers, Dieu sait s'il y a eu des grèves en 47 extrêmement importantes, c'était quelque chose de qui nous intéressait beaucoup. Et qu'on soit chrétien ou qu'on soit communiste, les deux grands groupes, il y avait une union autour du progrès social. Voilà. Pour tout le monde, la classe ouvrière était tout à fait fondamentale. Une génération qui a de l'espoir, c'est fondamental ça aussi. Hein. L'espoir, même si le moment donné est difficile, l'espoir de pouvoir améliorer la situation personnelle ou générale, c'est quelque chose qui porte, hein, c'est une génération. Oui. Il y avait un certain optimisme. Hein. Un optimisme qui n'existe pas nécessairement dans la génération d'aujourd'hui, qui a des problèmes très importants de place dans la vie, de place du travail, de place dans le monde. La mondialisation n'était pas totalement notre affaire à cette époque-là. On pensait France, voilà, on pensait France d'abord, et puis on avait des gros problèmes qui étaient la décolonisation, c'était ça. Il y avait la guerre d'Indochine, à la Sorbonne, dans mes années, c'était ça, c'était la guerre d'Indochine, et c'était une grosse affaire, enfin, comment se comporter par rapport à l'indépendance de l'Indochine. Pour les progressistes que nous étions, c'était évident qu'il fallait que l'Indochine soit indépendante, mais enfin, il y avait beaucoup de problèmes et discussions à cet égard. Alors, la question de la guerre d'Algérie, qui va être véritablement j'allais dire la guerre de ma génération. Hein. Ça, c'est à partir des années 54. Hein. Au moment où vous êtes à Caen, où vous enseignez voilà. À Caen. Michel Perrault, dans cette génération d'étudiants, vous dites des noms qui nous font rêver, parce que ce sont quand même des références dans cette longue historiographie qui conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Y avait-il des discussions autour de l'histoire des femmes? Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait surgir au moment des discussions? Pas du tout. Non. Ça, alors véritablement, on n'en parlait pas. C'était un non-sujet. Et je vous dirais, mais même pour moi, hein, au fond, j'étais pas très contestataire. J'étais contestataire sur l'histoire comme, je dirais, l'école des annales. Voilà. L'école des annales était en pleine affirmation autour de Marc Bloch et Lucien Febvre. Nous savions que Marc Bloch avait été assassiné par la milice, mais c'est curieux d'ailleurs, quand on pense à ça, on n'en parlait même pas tellement. Moi, j'ai été un petit peu après assistante à l'Institut d'Histoire économique et sociale Marc Bloch. Hein, j'ai vraiment été là. Eh bien, je savais que Marc Bloch avait, évidemment, je le savais, avait été assassiné par la milice. Mais Labrousse, j'ai pas encore prononcé son nom, mais c'était un des grands noms des professeurs de l'époque, à côté de Renouvin, à côté de quelques autres. Labrousse, un homme formidable, très engagé, etc. Il ne m'en parlait pas non plus beaucoup. Autrement dit, cette histoire-là, elle était refoulée. Et il faudra des années, nous le savons bien, pour que on réalise la Shoah, l'hécatombe, la persécution des Juifs, tout cela. C'était pas une chose dont on parlait beaucoup. Et alors les femmes, pour revenir à votre question, non. Encore moins. Hein. Non, c'était ainsi. On débattait beaucoup d'histoire, de méthodes de l'histoire, des sujets de l'histoire. Labrousse, lui, nous encourageait beaucoup à faire l'histoire du socialisme, du monde ouvrier. Par exemple, l'histoire du socialisme, surtout l'histoire de la première moitié du 19e. Labrousse faisait un cours sur le saint-simonisme, Cabet, Fourier, Owen, le socialisme anglais. C'était formidable. C'était absolument passionnant et nous étions nombreux. Il y avait beaucoup de monde dans les amphis. Il y avait une liberté totale de choisir les cours. Il n'y avait aucune obligation. Donc, les profs qui nous ennuyaient, bah, c'est tout simple, on n'y allait pas. Ben voilà, au moins c'était réglé. Voilà, et c'est vrai que Ernest Labrousse est resté, on le sent fortement dans votre mémoire. On a parlé des étudiants. Michel Perrault, on peut évoquer le corps enseignant. La place des femmes dans ce corps enseignant à la Sorbonne après la Seconde Guerre mondiale? Il y en avait très peu. Marie-Jeanne Durie, qui était littéraire, a été la première femme professeure à la Sorbonne. Hein, en 47. Vous voyez, au lendemain de la guerre, en histoire, il n'y en avait pas. Il y avait, je me souviens, Mademoiselle de Mougeot. Mademoiselle de Mougeot était en histoire ancienne. Elle était assistante. Il y avait des assistants déjà à cette époque-là. Elle était la seule. Et quand je suis arrivée, moi, comme assistante, j'étais même pas assistante d'enseignement, j'étais assistante de recherche. Hein, et donc je m'occupais d'un institut, etc., etc. Non, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, quand les professeurs réunissaient au moment des examens, les examens étaient un grand moment, et c'était des examens traditionnels avec un écrit éliminatoire et un oral. Bon, alors il fallait se concerter pour la correction des copies, et à ce moment-là, j'étais moi aussi mobilisé pour corriger des copies. Ça, c'est les années 60-65. Les professeurs nous réunissaient, c'était solennel, autour d'une table, etc., etc. Ils disaient « Messieurs ». Et moi, j'étais là, dans mon petit coin, la seule fille, et ça me faisait rire. Oui. Et vous savez, ça m'était bien égal. J'étais messieurs, voilà. Vous étiez messieurs à vous toute seule, Michel Perrault, à ce moment-là. Ces années d'études se terminent bien. Les concours? Ça s'est bien passé. Les concours, c'était une agrégation féminine d'histoire et de géographie séparée. Les programmes étaient les mêmes en histoire, différents en géographie. On faisait, nous, les filles, plus de géo parce que nous étions programmés pour le secondaire, alors que les garçons, il y avait déjà pour eux l'idée que un de ces jours ils iraient à l'université. Et d'ailleurs la manière dont se passaient les concours était très sexuée. Hein. J'ai déjà évoqué ça plusieurs fois, je vais me répéter, mais la grecque des filles, ça se passait l'oral, se passait au lycée Victor Duruy. Il y avait absolument personne que le jury et la candidate. Bon, c'est comme ça que j'ai passé la grève. Bon, il y avait personne. Il y avait une de mes amies qui était venue pour me voir. Elle m'a d'ailleurs fait surtout des commentaires sur la manière dont j'étais habillée et pas tellement sur ce que j'avais dit. J'étais un peu vexée d'ailleurs. Bon, et les garçons, c'était à la Sorbonne. Hein. Et c'était Fernand Braudel, la Méditerranée au temps de Philippe II, enfin un grand historien déjà très connu, qui dirigeait la Maison des Sciences de l'Homme. C'est lui qui présidait le jury. Et Fernand Braudel regardait les garçons qui passaient là en se disant « Mais quel va bientôt être celui qu'on va pouvoir recruter ?» Il y avait l'idée que les garçons resteraient pas longtemps dans l'enseignement secondaire et qu'ensuite ils feraient des thèses, etc. Pas du tout pour les filles. Pas de sentiment de révolte à ce moment-là pour vous en disant mais c'est injuste comme système. J'étais vexé. Oui. Vexé quand même. Oui. Oui. Ah oui, oui. J'ai trouvé, tout d'un coup, j'ai réalisé que notre petite agrégation féminine, là, c'était considéré comme secondaire par rapport à celle des garçons. Ah, oui, j'étais vexé, ça c'est vrai. Parce que je me sentais, j'avais pas de complexe. Hein. Je me sentais. Oui, je me disais que je pouvais faire aussi bien que j'avais fait des exposés oraux dans les amphis d'agrégation qui avaient plutôt été très bien reçus. Donc, Et quand j'ai passé mon diplôme, puisqu'on appelait ça comme ça, hein, c'est-à-dire un mémoire de maîtrise qui correspond au master aujourd'hui, avec un peu plus long, il fallait une année pour le faire, bah, j'ai été classée première, bah, alors, bon, j'étais capable de le faire. Vous l'avez prouvé, Michel Perrault. Donc vous êtes affecté après cette agrégation à Caen, hein, au lycée de jeunes filles. Qu'est-ce qui s'est passé à Caen? Mais c'est incroyable de voir ce moment. Il y a toujours ça, on le voit dans des existences, des moments de rencontres. À Caen, il y a eu des rencontres. Hein. Des rencontres formidables, absolument. Des rencontres amicales. Je ne parlerai pas de rencontres amoureuses, parce que j'avais fait ma rencontre avant, mais rencontres amicales au lycée de jeunes filles de Caen. J'ai rencontré des femmes qui sont des amies aujourd'hui, Mona Ouzouf en philosophie, Nicole Ledouarin, biologiste, professeur de sciences nat. Elle disait, on enseigne la sauterelle verte. C'était comme ça qu'elle disait, son mari notamment. Et ça a été une rencontre formidable, hein, avec peut-être une petite tendance que nous avions à nous retrouver en groupe, avec l'idée qu'on resterait pas tout le temps. Qu'on était un petit peu des oiseaux de passage. Et étant des oiseaux de passage, on vivait très librement, hein, et amicalement entre nous. Alors ça a été important. Ça a été important sur le plan politique, parce qu'on discutait beaucoup politique. Nous étions à gauche, et certains d'entre nous étaient au Parti communiste. Par exemple, Jacques et Mona Ouzouf étaient au Parti communiste. Ce qui n'était pas le cas de Jean-Claude Perrault et de moi. Mais on a été séduits par ça, notamment avec la guerre d'Algérie. Eh oui. La guerre d'Algérie, moi j'avais été en Algérie avec un voyage d'étudiant, ça m'avait été très impressionnant pour moi, j'ai pas le temps de développer ça, mais j'étais attentive, hein, attentive à cela, je lisais beaucoup les romans algériens, j'avais fait des conférences d'ailleurs là-dessus à Caen, donc la guerre d'Algérie nous frappe beaucoup. Pierre Vidal-Naquet était assistant à l'université de Caen, et comme chacun sait, il a été le premier à alerter sur les tortures, à alerter sur l'affaire Maurice Audin, à faire un comité Maurice Audin auquel nous avons participé. Donc, nous étions politisés à gauche et contre la guerre d'Algérie. Donc, il y avait un espèce de bouillon de culture de ce point de vue-là, et nous avons été très fortement engagés. Dans vos choix d'objets d'études, Michel Perrault, à ce moment-là, nous sommes sur une histoire politique, sociale. Qu'est-ce qui vous intéresse à étudier dans ces années-là ? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le monde ouvrier. Hein. J'avais dans l'idée que le monde ouvrier, ça représentait le progrès, ça représentait la justice sociale, et que contribuer à ma manière, à donner au monde ouvrier une histoire qu'il n'avait pas encore tellement, bah, c'était ce que moi, la petite fille de la bonne bourgeoisie, émancipée, je pouvais faire. Et à l'intérieur du monde ouvrier, j'étais pas tellement intéressée par l'histoire des partis politiques et des organisations. Ce que je voulais, c'était les ouvriers ordinaires. Ça, j'avais déjà très fortement cette idée. C'est-à-dire que pas les institutions, pas la parole vraiment formatée des partis politiques, tout ça, non. Comment les ouvriers vivent-ils? Comment, quand ils font grève, comment ils la font? Et j'avais d'ailleurs choisi volontairement une période après la Commune où il n'y avait pas encore de syndicalisme ouvrier, puisque il y avait des organisations. Mais la CGT n'a été créée qu'en 1895. Donc, je voulais les ouvriers vraiment dans leur vie. Comment déclenche-t-on une grève quand on n'a même pas de syndicalisme qui vous dit ah ben on y va, c'est le bon moment, etc. Et je me suis aperçu en étudiant ces grèves de cette époque-là que les ouvriers avaient une connaissance extrêmement fine de ce que on peut appeler la conjoncture. Ben, ils appelaient ça la presse, c'est-à-dire que quand le patronat dans les usines, dans les fabriques disait il faut accélérer la cadence. Et même, il faut faire des heures supplémentaires, ça existait déjà. Il faut y aller, on a besoin. À ce moment-là, les ouvriers disaient, bon, ça y est, nous, c'est le moment de demander une augmentation de salaire. C'était d'ailleurs la chose la plus importante pour eux. Le plus important, c'était augmenter les salaires. Le salaire. Ça, c'était vraiment... Ils parlaient pas de pouvoir d'achat, c'était pas le mot qu'ils employaient. Mais c'était la chose tout à fait. Une étude de ce monde ouvrier au plus près des gens, ça qui est aussi passionnant. Ce n'est pas étudier que des structures, que des partis politiques, c'est étudier les gens. Et parmi cet intérêt porté sur les ouvriers, sur les ouvrières, évidemment, Jean Métron. Il ne faut pas oublier que la bande à Bonneau, c'est la fin tout de même d'un mouvement, pour une époque tout au moins, et que les compagnons n'ont pas reconnu dans les illégalistes anarchistes de la bande Bonneau, ils ne les ont pas revendiqués pour frères, et qu'eux-mêmes n'ont pas, tous ceux qui ont été guillotinés, n'est-ce pas, ou qui lançaient des bombes, ne manquaient pas de crier « Vive l'anarchie !» même au dernier moment, n'est-ce pas. Tandis que aux assises n'ont pas revendiqué la qualité d'anarchiste, n'est-ce pas? C'est le cas notamment de fameux, peut-être le plus connu, Caïman, dit Raymond La Science, n'est-ce pas? Et pourtant, ils avaient été anarchistes. Les preuves ne manquent pas, parce qu'ils avaient vécu dans les milieux anarchistes, ils avaient milité en anarchiste, ils avaient écrit, tenu des journaux, rédigé des journaux, n'est-ce pas? Jean Métron, qui s'exprimait en 1964 à la vitrine du libraire, il s'exprimait à propos des anarchistes. Jean Métron, historien du monde ouvrier. Ce sont des moments importants de l'écriture de l'histoire. Ce moment Métron, d'ailleurs on dit le Métron aujourd'hui quand on parle de ce grand dictionnaire. Ça aussi, ça fait partie de cette construction, Michel Perrault, qui conduit le temps des féminismes. Hein. C'est l'ouvrage que vous publiez chez Grasset avec Eduardo Castillo. Pour comprendre ce féminisme, faut comprendre votre cheminement, faut comprendre ces rencontres. Rencontrer quelqu'un comme Métron, c'est rencontrer le monde ouvrier, c'est rencontrer des biographies d'ouvriers et d'ouvrières. Oui, Jean Métron a beaucoup compté. Hein. Je l'ai très très bien connu et beaucoup apprécié, beaucoup aimé. C'était un homme formidable et il venait du milieu instituteur et il avait fait une carrière difficile. D'ailleurs, il n'a jamais été nommé professeur tout simplement parce qu'il n'avait pas l'agrégation et que ça comptait beaucoup dans les recrutements. Mais la brousse l'a soutenu et Métron a créé un institut d'histoire sociale qui existe toujours aujourd'hui. Et il avait une revue qui s'appelait L'actualité de l'histoire. Et dans L'actualité de l'histoire, c'était presque entièrement sur le mouvement ouvrier. Et après, il y a eu une autre revue qui existe toujours, elle, aujourd'hui, qui s'appelle Le Mouvement Social, à laquelle j'ai beaucoup également collaboré avec lui. Donc, oui, et Métron, vous venez de le dire, il a lancé le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qui est maintenant, il y a une soixantaine de volumes. C'est quelque chose de formidable. Au début, c'était pour le 19e siècle, puis progressivement, les périodes ont été emmagasinées, et maintenant, c'est sur la période actuelle. Il y a beaucoup, par exemple, Rolande Trempé, qui a été une de mes amies, et qui avait fait une thèse très brillante sur les mineurs de Carmaux, qui est décédée il y a 5-6 ans, il n'y a pas tellement longtemps, elle a sa notice dans le Métron, etc. Voilà. Vous aussi, Michel Perrault, vous avez votre notice dans le métro. Mais il y a aussi, c'est logique, il y a cette thèse que vous avez soutenue sur les ouvriers en grève. Donc, il fallait bien la notice de Michel Perrault dans le métro. Moi, je constate ça. Hein. 1971, votre thèse, les ouvriers en grève, très bien. Mais il y a ce moment d'un cours donné sur une réflexion. Existe-t-il une histoire des femmes? On est en quelle année, là? On est en 73. Donc on est dans la même période, à 2 ans près. Qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre ce cours? On le présente en disant, tiens, là c'est un moment, c'est un jalon de cette histoire, de l'étude des féminismes. Mais pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Le mouvement de libération des femmes. Le mouvement de libération des femmes se développe en France à partir des années 70, pas en 68, qui était très politique et qui, au fond, n'avait pas... Si, les questions sexuelles avaient été abordées, mais les femmes, pas tellement. Alors les femmes se sont révoltées. Hein. Elles ont dit, mais et nous ? Et nous ? Et ça a été comme une fulgurance, en quelque sorte. Et dans ces années-là, les revendications des femmes pour le corps des femmes, pour la liberté de la contraception qui était reconnue par la loi de 67, mais qui était très peu pratiquée. Quand on allait en pharmacie pour demander un produit de contraception, on vous regardait avec des yeux un peu, un peu inquiets. Un peu inquiet, ça veut dire que vous étiez quelqu'un de trop libéré, enfin sexuellement parlant. Et puis, il y avait les avortements. Les avortements étaient clandestins, il fallait aller à l'étranger, c'était risqué, il y avait beaucoup de morts de femmes pour des questions d'avortement. C'était quelque chose que raconte très bien d'ailleurs un film de Blandine Lenoir qui se projette en ce moment, qui s'appelle Annie Colère, et qui raconte le moment où la méthode Carman, c'est-à-dire avortement par aspiration, méthode tout à fait nouvelle, s'introduisait dans ces années 73-75. Par conséquent, il y a vraiment un mouvement très important de libération des femmes. Moi, je suis à ce moment-là à Jussieu, qui est un lieu de contestation, et je milite à la base. Hein, je n'avais pas de responsabilité particulière. Je manif, etc., etc. Et je me dis, mais j'enseigne, je donnais toutes sortes de cours. Et qu'est-ce que je raconte sur les femmes ? Rien, rien du tout. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de proposer un cours avec des collègues, Pauline Schmitt, Fabienne Bock, sur l'histoire des femmes. Je leur ai dit, mais on pourrait peut-être faire un cours. Et on savait pas trop quoi faire, parce qu'on n'avait rien. Hein. Alors on a dit, bah voilà, on va l'appeler « Les femmes ont-elles une histoire ?» Et on va commencer comme ça. C'est comme ça que ça a commencé et que ensuite, très rapidement, ça a eu beaucoup de succès. Les recherches se sont développées. On sent qu'il y a une double démarche avec ce cours. C'est qu'il fallait combler un vide. Il n'y avait pas d'histoire autour du genre, comme on dirait aujourd'hui, autour des femmes. Oui. Et dans le même temps, c'est œuvre d'action, c'est-à-dire l'histoire pour régler, alimenter, expliquer, enrichir les problèmes de société. C'était vraiment cette idée aussi qu'il fallait après diffuser le résultat de toutes ces recherches. Oui, bien sûr. Il fallait surtout rendre visible, c'était ça notre première idée, hein, rendre visible, faire apparaître, et puis très rapidement, on a problématisé tout de même un peu plus. Alors, on a d'abord problématisé un peu autour de l'idée de femme victime. Les femmes sont victimes d'abord, mais ensuite on en a eu assez, les femmes victimes. On a aussi victimes d'accord, mais on posait pas encore trop bien la question de la fameuse domination masculine dont on parle beaucoup. C'était pas encore vraiment un concept de l'époque. On pensait aux femmes actrices de l'histoire. Qu'est-ce qu'elles font en dehors de subir, elles ont agi, elles ont créé. Il faut faire apparaître les femmes peintres, les femmes qui écrivent, les femmes qui font grève, etc., etc. Donc, on a eu une idée de plus en plus positive. Hein. On avait envie de femmes positives. Et aussi, on réfléchissait beaucoup à la manière d'écrire l'histoire des femmes. Et c'est comme ça que quand le concept de genre est apparu plus tard, dans les années 85, il nous vient des États-Unis, gender, hein, John Scott, etc. Et nous, on s'est dit, mais c'est intéressant le genre, parce que ça rejoint ce que disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire de naître femme ? C'est pas la nature, c'est la culture, c'est l'histoire qui fabrique la différence des sexes. Donc voilà un axe problématique qui nous a beaucoup séduite et que nous avons développé à cette époque-là. Michel Perrault, je vous écoute et je me rends compte hein, combien tous les concepts que vous historicisez, là vous nous dites à quel moment ils sont apparus, se sont généralisés dans la société. La domination masculine n'est plus contestée historiquement, enfin il y a une lecture qui apparaît comme ça. C'est-à-dire que sur cette longue histoire de l'histoire, on sent que nous sommes sur un moment très court avec des concepts d'une force. C'est pour ça que lire Le Temps des féminismes fait comprendre que bah, cette force fait qu'ils sont là, présents maintenant. Mais ça n'a pas été simple à mettre en place quand même, hein. La domination masculine. Est-ce que il y a tout de suite eu une acceptation globale ou un regard un peu distant sur ces cours que vous donniez? Oui, il y a eu un regard distant et d'ailleurs contesté. Quand quelques années plus tard, Pierre Bourdieu, par exemple, publie son livre de la domination masculine, on le lit parce que c'est très intéressant et qu'il aborde enfin ce problème-là. Mais Pierre Bourdieu considère que le féministe est petit bourgeois. Vous voyez, un peu comme Todd, Emmanuel Todd, dans son récent livre, Les femmes, où est-ce qu'elles en sont, je ne me souviens plus du titre. Il y a quand même, le social était tellement important que l'idée qu'on allait poser la question des rapports entre les sexes apparaît un petit peu comme, pas une hérésie, mais un risque. Vous voyez, un risque que on perde l'axe social essentiel. D'ailleurs, nous l'avions ressenti quand on avait lancé le cours « Les femmes ont-elles une histoire ?». Le premier cours avait été, non pas chahuté, on peut pas employer ce mot-là, mais contesté. Les garçons de Jussieu, les étudiants de Jussieu, étaient venus et ils nous avaient posé la question, en quelque sorte, mais enfin, pourquoi est-ce que vous allez parler de ça alors que les enjeux sociaux sont tellement importants? Et ensuite, très vite, ils avaient soutenu, adhéré, notamment les jeunes homosexuels qui trouvaient que c'était pas mal que l'on conteste un petit peu justement ce qu'on n'appelait pas encore domination masculine, mais l'hégémonie de l'hétérosexualité qui était un modèle que l'on commençait à contester. Autrement dit, oui, on avance progressivement, on est tout de même bien accueilli, on est tout de même aussi contesté par certains, il y a des débats importants. Le Temps des féminismes, Michel Perrault, avec Eduardo Castillo. Vous faites, je dis égo-histoire parce que le mot apparaît dans le livre, mais c'est pas vraiment de l'égo-histoire, c'est surtout de l'histoire, oui. De l'histoire en tant que témoin. Et de l'histoire en tant qu'historienne, le chemin parcouru est immense. Ça, vous avez fait quoi avec Eduardo Castillo de regarder toute cette histoire sur le temps long, en fait, cette histoire des féminismes avec ce pluriel qui est très intéressant. C'était une surprise pour vous de vous rendre compte combien l'évolution a été immense, en fait, un progrès gigantesque dans l'histoire de la pensée. Oui, vous avez raison. Ça a été pour moi une occasion de voir le chemin parcouru. C'est Eduardo Castillo qui est à l'origine de ce livre. Il avait été mon étudiant dans le Jussieu des années 80. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce livre. Au départ, je lui ai dit « Oh, bah oui, si vous voulez. » Bon, et puis, nous avons eu des entretiens. Il a eu 14 entretiens longs, hein. Il avait beaucoup préparé ses questions, beaucoup lu. Et il m'a beaucoup aidé à prendre ce recul qui permet de voir en effet le chemin parcouru. C'est donc de l'historiographie et de l'historiographie passionnante. Comment émerge un sujet? Comment évoluent les problématiques? C'est tout cela qu'on a essayé de voir dans le livre. Alors pourquoi le pluriel? Parce que les féminismes sont pluriels. Le féminisme, si on l'emploie le singulier, est, à mon sens, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus fort que dans les années 80. Maintenant, une jeune femme se dira volontiers féministe. Dans ma génération, beaucoup disaient « je ne suis pas féministe, mais ». Ce qui voulait dire « oh, je ne veux pas être cataloguée comme féministe, hein, quand même les féministes, oh non, non ». Mais les revendications des féministes, je suis d'accord, c'est bien. Il y avait toujours cette espèce d'hésitation et on ne voulait pas être catalogué parmi les féministes, c'était un peu embêtant. Ce qui maintenant est normal. Voilà. Et étant normal, c'est pluriel.

Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Thomas Beau. Merci à Ludovic Auger à la technique. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Dudès, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'application Radio France.